On va parler avec notre ami Wallet du site leblitznfl.com. Ils ont fait tout un travail en fin de semaine. Salut Wallet. Salut Dan, ça va bien? Salut Wallet. Oui, ça va bien, ça va bien. On va y aller avec l'analyse du repêchage, les gagnants, les perdants. Et, moi, j'ai une analyse ici qui vient d'NFL.com. Ils sont très généreux dans leur cote. Il y a beaucoup de A. C'est dans ce qui dans les cotes qu'on donne aux experts, que les experts donnent. Moi, ce que je retiens, c'est pas parce que c'est mon équipe, mais les Pats de la Nouvelle-Angleterre, ils avaient repêché 6 joueurs qui étaient classés dans les 77 premiers. Oui, puis je pense que c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte tout le long de la fin de semaine, c'est que le lundi se termine, puis là, on se dit, hey, il y a beaucoup de joueurs de qualité qui sont encore disponibles. Après ça, le vendredi se termine, même chose, il y a encore beaucoup de joueurs de qualité qui sont disponibles. Puis la journée du samedi, elle s'est terminée, puis encore là, beaucoup de joueurs de qualité qui se sont retrouvés, des joueurs autonomes qui ont signé des contrats avec des équipes de la NFL. Donc, c'était vraiment un repêchage avec des bons joueurs à beaucoup de positions, puis des équipes comme les Patriots qui ont bien fait leur devoir, bon, ils ont été en mesure de combler des trous dans leur alignement puis de bien paraître là, durant la fin de semaine du repêchage. Est-ce que c'est des alliés défensifs, ça a fait en sorte, il y avait de bons alliés défensifs, ça a fait en sorte que Mathieu Bett n'a pas été repêché? Mathieu Bett, oui. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le fait que les deux lignes, la NCAA puis le football universitaire canadien, c'est littéralement deux sports différents. Même si ça reste du football, la manière que c'est joué, c'est tellement différent que certaines équipes peut-être se sont dit un peu, je sais pas, peut-être qu'il y a un risque à prendre dans l'adaptation du joueur, mais moi je trouve que, puis ça c'est quelque chose que je voulais parler aussi, là, je vais faire une chronique là, dans les prochains jours sur le site du Blitz, là. Ouais. Moi je pense que c'est à l'avantage de Mathieu Bett, parce que si tu te fais repêcher par une équipe qui a pas vraiment personne pour t'enseigner les rudiments de la position, que tu n'as pas une bonne défensive, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais dans son cas à lui, il se retrouve derrière Khalil Mack, qui est probablement le meilleur à sa position dans toute la NFL. Donc, pendant les 3 prochaines années, il a son contrat avec l'équipe. Il va probablement commencer sur l'équipe de pratique, puis éventuellement les unités spéciales. Puis, en apprenant Khalil Mack, ben, tu mets les chances de ton bord pour qu'un jour, tu sois un joueur partant dans la NFL. Donc, je pense que c'est à son avantage d'avoir signé avec une équipe que d'avoir été repêché puis peut-être d'être dans une équipe qui n'aurait pas vraiment utilisé le talent de Mathieu Bett à sa pleine capacité. Parce que j'y ai parlé tantôt à Mathieu Bett, j'ai fait un podcast avec, puis lui, il se dit prêt, hein. Il se dit prêt à jouer comme ses unités spéciales, parce que c'est souvent la porte d'entrée de ces joueurs-là, hein. Oui, puis on va se rappeler là, de Samuel Giguère là, quand il avait été repêché par les Colts. Je ne sais pas s'il a été repêché ou si c'était un agent libre aussi. Il avait commencé sur les unités spéciales avec les Colts. Malheureusement, pour lui, ça ne s'est pas concrétisé. Mais effectivement, les joueurs qui sortent du football là, universitaire canadien, c'est tellement différent, comme je disais plus tôt, que il y a une adaptation à se faire. Puis si Mathieu Bett dans sa tête, il a déjà l'attitude positive de se dire ben on commence sur les unités spéciales, puis je vais me bâtir une réputation, puis un nom, puis éventuellement peut-être jouer comme partant. Ben je pense que c'est l'attitude à avoir, puis ça montre que le gars il a une tête sur ses épaules, puis c'est le fun à voir. OK. Parle-moi donc des gagnants. Kyler Murray était le premier choix repêchage par les Cards de l'Arizona. C'est un risque, c'est un très gros risque, parce que on a parlé de son attitude, on a parlé du fait qu'il joue, c'est un excellent joueur de baseball également, il pourrait être tenté d'aller jouer. Par contre, les bonnies, la signature, ce ne sera pas pareil du tout, mais le risque est encore là pareil. Donc, et sans, un carrière de 190 livres, c'est très petit, là. Ah, c'est très petit, mais de l'autre côté, regarde, Russell Wilson vient de signer le plus gros contrat de l'histoire de la NFL. Puis les deux sont un format là, relativement similaire. Je pense que Russell Wilson est un petit peu plus massif, mais Kyler Murray est encore jeune. Donc, moi, je pense que le talent, il est là. Puis le gars, partout où il a joué, il était bon. Puis c'est drôle, durant le repêchage, quelqu'un sur NFL Network disait que les deux derniers joueurs qui ont été repêchés en première ronde dans la NFL puis dans la MLB, les ligues majeures de baseball, avant Kyler Murray, puis j'espère que je ne me trompe pas, c'est Bo Jackson puis Deion Sanders. Donc, qui ont joué, oui, effectivement. Ils ont joué, puis je pense que c'est des joueurs qui ont été repêchés relativement Ouais. haut aussi là, au baseball majeur. Fait que si c'est un signe que se faire repêcher haut au baseball puis au football, c'est un signe de succès. Kyler Murray a le potentiel de devenir un des meilleurs carrières de l'histoire de la NFL, mais l'avenir va nous le dire là, OK. encore aussi, encore là. Qui, est, selon toi, a gagné le repêchage? C'est sûr que c'est très facile, là. C'est. Honnêtement, moi, tu l'as dit, j'ai vraiment aimé ce que les Patriots ont fait, là. Ils ont vraiment repêché des joueurs de qualité loin au repêchage. Ils ont donné des armes à Tom Brady. Je pense que ça va aider l'équipe. J'ai vraiment aimé aussi l'échange pour Miami d'aller chercher Josh Ah, Rosen. Je regarde. pense que les Cards ont donné beaucoup l'année dernière pour s'avancer. Puis tu vas chercher un joueur que l'an passé, on parlait d'un top 5 au repêchage, l'un des meilleurs corps arrière. Je pense que c'est bon pour Josh Rosen, c'est bon pour Miami. J'aime aussi ce que les Ravens ont fait pour Lamar Jackson. On dit souvent que Lamar Jackson, c'est un corps arrière qui fait juste courir, puis je suis pas Unidimensionnel, comme d'accord qu'on avec ça. dirait. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Ces 2 dernières années au College Football, il a lancé pour plus de 3 500 verges par saison. Il y a beaucoup de passes de toucher. Puis là, on est allé chercher deux receveurs de passes là, qui sont excellents pour les Ravens. Donc, je pense que ça peut aider l'offensive de Baltimore. Puis, on peut pas vraiment négliger Lincoln Riley, l'instructeur-chef des Sooners d'Oklahoma. Quand tu dis que tes Ah deux ouais, corps arrière, ça fait 2 ans qu'il est Calvin instructeur-chef, Ridley. tes deux corps arrière, Gunn Heisman, tes deux corps arrière sont repêchés premiers dans la NFL. Si un jour Lincoln Riley veut quitter la NCAA, puis je pense qu'il le fera pas, parce qu'il y a une job à jamais s'il veut à Oklahoma. Ça va être un gars qui va avoir beaucoup d'offres de la NFL s'il quitte un jour. Effectivement, effectivement. Donc, c'est sûr que c'est très difficile à dire qui a gagné. C'est lorsqu'il va être sur le terrain que ça va être intéressant. Hey, Jarrett Stillman, le camp d'Auburn, Ouais. j'ai lu sur lui. C'est un choix qui est sorti en quatrième ronde par les Pats. Parce que moi, j'étais bien inquiet. J'ai hâte qu'on trouve un successeur à Tom Brady. Et ce que j'ai lu sur lui, c'est encourageant pareil. C'est un camp que s'il n'y aurait pas eu une mauvaise année l'an passé, il pouvait même être classé. Il aurait pu être classé en première ronde. Ah, moi, regarde, au début de l'année 2018, là, puis là, j'étais en train d'ouvrir mon classement ici, là. Au début de l'année 2018, j'avais sorti mon premier top 50 pour la saison, puis Jared, il était dans mon top 25, là. C'était un des bons corps arrière de la saison, puis l'équipe a tout simplement connu des ratés, puis je pense que c'est ça qui l'a fait ralentir. Ils ont perdu beaucoup de joueurs l'an dernier au repêchage de 2018, ce qui a vraiment pas aidé l'offensive de l'équipe, mais le talent est vraiment là, puis je pense qu'en apprenant de Tom Brady, tu peux éventuellement devenir un joueur à succès là, dans la NFL, là. OK. La morale de cette histoire, c'est que des fois, c'est un gros, c'est là le risque, hein, à quelque part, de voir un joueur qui est, tu sais, tu restes un an de plus. Si tu connais une mauvaise année, tu viens de perdre c'est pour ça que les joueurs souvent aiment ça, faire le saut plus rapidement, hein. Peu importe, le football puis le basket, c'est la même affaire, là. Oui, puis, t'sais, on parle de lui, mais on parle aussi de Bryce Love, là. C'est un gars qui est sorti loin, puis l'an dernier, il est sorti probablement en première ronde. Je regarde mon top 50 que j'avais fait avant le début de la saison, puis j'ai beaucoup de joueurs là, qui ont sorti beaucoup plus loin que prévu au repêchage. Je pense que ça fait partie des réalités du sport, là, une saison, ça peut affecter là, ton ordre au repêchage. Mais, regarde, un gars comme Jared Stidham, tu te ramasses en quatrième ronde. Oui, tu signes pas un contrat qui est aussi gros, mais tu apprends Tom Brady, puis peut-être que dans 4 ans, ça va Ouais. être lui le qui va signer un gros contrat avec les Patriots, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est leur carrière du futur. Ouais, effectivement. Wallet, je te retourne en vacances. On se reparle pour l'ouverture de la saison de l'NCAA College Football, si tu veux bien, à partir du mois d'août. Oui. Fait qu'il n'y a pas de problème? Parfait. Ben ouais, on se reprend au mois d'août. OK, voilà. Donc, Wallet du site leblitznfl.com, la référence du football. Une des bonnes références au Québec.